Section 20 de « La mer » par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. 12. La baleine. Le pêcheur, attardé dans les nuits de la mer du Nord, voit une île, un écueil, comme un dos de montagne, qui plane énorme sur les flots. Il y enfonce l'ancre. L'île fuit et l'emporte. Léviathan fut son écueil. Milton. Erreur trop naturelle, Dumont d'Urville y fut trompé. Il voyait au loin des brisants un remous tout autour. En avançant, des taches blanches semblaient désigner un rocher. Autour de ce banc, l'hirondelle et l'oiseau des tempêtes, le pétrel, se jouaient, s'ébattaient, tournoyaient. Le rocher surnageait, vénérable d'antiquité, tout gris de coronules, de coquilles et de madrépores. Mais la masse se meut. Deux énormes jets d'eau qui partent de son front révèlent la baleine éveillée. L'habitant d'une autre planète qui descendrait sur la nôtre en ballon et d'une grande hauteur observerait la surface du globe, voulant savoir s'il est peuplé. Dirait, les seuls êtres qu'il m'est donné de découvrir ici sont d'assez belle taille, de 100 à 200 pieds de long. Leurs bras n'ont que 24 pieds, mais leur superbe queue de 30 bat royalement la mer. La maîtrise les fait avancer avec une rapidité, une aisance majestueuse, auxquelles on reconnaît très bien les souverains de la planète. Et il ajouterait, il est fâcheux que la partie solide de ce globe soit déserte, où n'aient que des animalcules trop petits pour qu'on les distingue. La mer seule est habitée et d'une race bonne et douce. La famille y est en honneur. La mer allait avec tendresse, et quoique ses bras soient bien courts, elle trouve moyen dans la tempête de serrer contre elle-même et de protéger son petit. Ils vont ensemble volontiers. On les voyait jadis naviguer deux à deux, parfois en grande famille de 10 ou 12, dans les mers solitaires. Rien n'était magnifique comme ces grandes flottes, parfois illuminées de leur phosphorescence, lançant des colonnes d'eau de 30 à 40 pieds qui, dans les mers polaires, montaient fumantes. Ils approchaient, paisibles, curieux, regardant le vaisseau comme un frère d'espèces nouvelles. Ils y prenaient plaisir, faisaient fête aux nouveaux venus. Dans leur jeu, ils se mettaient droits et retombaient de leur hauteur, à grand fracas, faisant un gouffre bouillonnant. Leur familiarité allait jusqu'à toucher le navire, les canaux. Confiance imprudente, trompée si cruellement. En moins d'un siècle, la grande espèce de la baleine a presque disparu. Leurs mœurs, leur organisation, sont celles de nos herbivores. Comme les ruminants, ils ont une succession d'estomacs où s'élabore la nourriture. Leurs dents leur sont peu nécessaires, ils n'en ont pas. Ils paissent aisément les vivantes prairies de la mer. J'entends les fucus gigantesques, doux et gélatineux. J'entends des couches d'infusoires, des bancs d'atomes imperceptibles. Pour de tels aliments, la chasse n'est pas nécessaire. N'ayant nulle occasion de guerre, ils ont été dispensés de se faire les affreuses mâchoires et les scies, ces instruments de mort et de supplice que le requin et tant de bêtes faibles ont acquis à force de meurtre. Ils ne poursuivent point, boitard. C'est l'aliment plutôt qui va à eux, apporté par le flot. Innocents et paisibles, ils engouffrent un monde à peine organisé qui meurt avant d'avoir vécu, passe endormi à se creuser de l'universel changement. Nul rapport entre ces douces races de mammifères qui ont, comme nous, le sang rouge et le lait, et les monstres de l'âge précédent, horribles avortons de la fange primitive. Les baleines, bien plus récentes, trouvèrent une eau purifiée, la mer libre et le globe en paix. Il avait rêvé son vieux rêve discordant des lézards-poissons, des dragons volants, le règne effrayant du reptile. Il sortait du brouillard sinistre pour entrer dans l'aimable aurore des conceptions harmoniques. Nos carnivores n'avaient pas pris naissance. Il y eut un petit moment, quelques 100 000 années peut-être, de grande douceur et d'innocence, où sur terre parurent les êtres excellents, Sarig, etc., qui aiment tant leur famille, la portent sur eux et en eux, la font, s'il le faut, rentrer dans leur sein. Sur l'eau parurent les bons géants. Le lait de la mer, son huile surabondait, sa chaude graisse, animalisée, fermentait dans une puissance inouïe, voulait vivre. Elle gonfla, s'organisa en ses colosses, enfants gâtés de la nature, qu'elle doua de force incomparable, et de ce qui vaut plus, du beau sang rouge ardent. Il parut pour la première fois. Ceci est la vraie fleur du monde. Toute la création à 100 pâles, égoïste, languissante, végétante relativement, a l'air de n'avoir pas de cœur si on la compare à la vie généreuse qui bouillonne dans cette pourpre, y roule la colère ou l'amour. La force du monde supérieur, son charme, sa beauté, c'est le sang. Par lui commence une jeunesse toute nouvelle dans la nature. Par lui, une flamme de désir, l'amour, et l'amour de famille, de race qui, étendu par l'homme, donnera le couronnement divin de la vie, la pitié. Mais, avec ce don magnifique, augmente infiniment la sensibilité nerveuse. On est plus vulnérable, bien plus capable de jouir, de souffrir. La baleine, ayant guère le sens du chasseur, l'odorat, ni l'ouïe très développée, tout en elle profite au toucher. La graisse qui la défend du froid ne la garde nullement d'aucun choc. Sa peau, finement organisée, de 6 tissus distincts, frémit et vibre à tout. Les papilles tendres qu'on y trouve sont des instruments de tact délicat. Tout cela animé, vivifié d'un riche flot de sang rouge, qui, même en tenant compte de la taille différente, surpasse infiniment en abondance celui des mammifères terrestres. La baleine blessée en inonde la mer en un moment, la rougit à grande distance. Le sang que nous avons par goutte lui fut prodigué par torrent. La femelle porte 9 mois. Son agréable lait, un peu sucré, a la tiède douceur du lait de femme. Mais, comme elle doit toujours fendre la vague, des mamelles en avant, placées sur la poitrine, exposeraient l'enfant à tous les chocs. Elles ont fui un peu plus bas, dans un lieu plus paisible, au ventre d'où il est sorti. Le petit s'y abrite, profite du flot déjà brisé. La forme de vaisseau, inhérente à une telle vie, resserre la mère à la ceinture et ne lui permet pas d'avoir la riche ceinture de la femme. Ce miracle adorable d'une vie posée, assise et harmonique, où tout se fond dans la tendresse. Celle-ci, la grande femme de mère, quelque tendre qu'elle soit, est forcée de faire tout dépendre de son combat contre les flots. Du reste, l'organisme est le même sous cet étrange masque. Même forme, même sensibilité. Poisson dessus, femme dessous. Elle est infiniment timide. Un oiseau parfois lui fait peur et la fait plonger si brusquement qu'elle se blesse au fond. L'amour chez eux, soumis à des conditions difficiles, veut un lieu de profonde paix. Ainsi que le noble éléphant, qui craint les yeux profanes, la baleine n'aime qu'au désert. Le rendez-vous est vers les pôles, aux anses solitaires du Groenland, au brouillard de Bering, sans doute aussi dans la mer tiède qu'on a trouvée près du pôle même. La retrouvera-t-on ? On n'y va qu'à travers les défilés horribles que la glace ouvre, ferme et change à chaque hiver, comme pour empêcher le retour. Pour eux, on croit qu'ils passent sous les glaces, d'une mer à l'autre, par la voie ténébreuse. Voyage téméraire. Forcés de venir respirer de quart d'heure en quart d'heure, quoiqu'ils aient des réserves d'air qui peuvent leur suffire un peu plus, ils s'exposent beaucoup sous cette énorme croûte percée à peine de quelques soupiraux. S'ils ne les trouvent à temps, elle est si dure et si épaisse que nulle force, nul coup de tête la briserait. Là, on peut se noyer aussi bien que Léandre dans les Lépons. Ne sachant cette histoire, ils s'engagent hardiment et passent. La solitude est grande. C'est un théâtre étrange de mort et de silence pour cette fête de l'ardente vie. Un ours blanc, un phoque, un renard bleu peut-être, témoins respectueux, prudents, observent à distance. Les lustres et girandoles, les miroirs fantastiques ne manquent pas, cristaux bleuâtres, pics, aigrettes de glace éblouissantes, neige vierge, ce sont les témoins qui siègent tout autour et regardent. Ce qui rend cet hymen touchant et grave, c'est qu'il y faut l'expresse volonté. Il n'est non pas l'arme tyrannique du requin, ses attaches qui maîtrisent le plus faible. Au contraire, leurs fourreaux glissants les séparent, les éloignent. Ils se fuient malgré eux, échappent par ce désespérant obstacle. Dans un si grand accord, on dirait un combat. Des baleiniers prétendent avoir eu ce spectacle unique. Les amants d'un brûlant transport, par instants dressés et debout, comme les deux tours de Notre-Dame, gémissant de leurs bras trop courts, entreprenaient de s'embrasser. Ils retombaient d'un poids immense. L'ours et l'homme fuyaient, épouvantés de leurs soupirs. La solution est inconnue. Celle qu'on a donnée semble absurde. Ce qui est sûr, c'est qu'en toute chose, pour l'amour, pour l'allaitement, pour la défense même, l'infortunée baleine subit la double servitude et de sa pesanteur et de la difficulté de respirer. Elle ne respire que hors de l'eau, et si elle y reste, elle étouffe. Donc elle est animal terrestre, appartient à la terre ? Point du tout. Si par accident elle échoue à la côte, la pesanteur énorme de ses chairs, de sa graisse, l'accable. Ses organes s'affaissent. Elle est également étouffée. Dans le seul élément respirable pour elle, l'asphyxie lui vient aussi bien que dans cette eau non respirable où elle vit. Tranchons le mot. De la création grandiose du mammifère géant n'est sorti qu'un être impossible, premier jet poétique de la force créatrice, qui d'abord visa au sublime, puis revint par degrés au possible, au durable. L'admirable animal avait tout, taille et force, sang chaud, doux lait, bonté. Il ne lui manquait rien que le moyen de vivre. Il avait été fait sans égard aux proportions générales de ce globe, sans égard à la loi impérieuse de la pesanteur. Il eut beau par-dessous se faire des os énormes. Ses côtes gigantesques ne sont pas assez résistantes pour tenir sa poitrine suffisamment libre et ouverte. Dès qu'il échappe à l'eau, son ennemi, il trouve la terre, son ennemi, et son premier poumon l'écrase. Ses évents magnifiques, la superbe colonne d'eau qu'il lance à 30 pieds, ce sont les cygnes, les témoins d'une organisation enfantine et barbare encore. En la lançant au ciel par ce puissant effort, le souffleur essoufflé, c'est le vrai nom du genre, semble dire « Ô nature, pourquoi m'avoir fait serre ?» Sa vie fut un problème. Il ne semblait pas que l'ébauche splendide m'ait manqué dû durer. L'amour furtif si difficile, l'allaitement au roulis des tempêtes entre l'asphyxie et le naufrage, les deux grands actes de la vie presque impossibles, se faisant par effort et par volonté héroïque. Quelles conditions d'existence ! La mère n'a jamais qu'un petit, et c'est beaucoup. Elle et lui sont tiraillés par 3 choses. Le travail de la nage, l'allaitement et la fatale nécessité de remonter. L'éducation, c'est un combat. Battu, roulé de l'océan, l'enfant prend le lait comme au vol, quand la mère peut se coucher de côté. Elle est, dans ce devoir, admirable d'élan. Elle sait qu'en son petit effort pour téter, il lâcherait prise. Dans cet acte où la femme est passive, laisse faire l'enfant, la baleine est active. Profitant du moment, par un puissant piston, elle lui lance un tonneau de lait. Le mâle la quitte peu, leur embarras est grand, quand le pêcheur féroce les attaque dans leur enfant. On harponne le petit pour les faire suivre, et en effet, ils font d'incroyables efforts pour le sauver, pour l'entraîner. Ils remontent, s'exposent au coup pour le ramener à la surface et le faire respirer. Mort, ils le défendent encore. Pouvant plonger et échapper, ils restent sur les eaux, en plein péril, pour suivre le petit corps flottant. Les naufrages sont communs chez eux, pour 2 raisons. Ils ne peuvent, comme les poissons, rester dans les tempêtes, aux couches inférieures et paisibles. Puis, ils ne veulent pas se quitter. Les forts suivent le destin du faible. Ils se noient en famille. En décembre 1723, à l'embouchure de l'Elbe, 8 femelles échouèrent et près de leurs cadavres, on trouva leurs 8 mâles. En mars 1784, en Bretagne, à Audierne, même scène. D'abord des poissons, des marsouins, vinrent à la côte effarés. Puis on entendit des mugissements étranges, épouvantables. C'était une grande famille de baleines que poussait la tempête, qui luttait, gémissait, ne voulait point mourir. Ici encore les mâles périssaient avec les femelles. Nombreuses, enceintes et sans défense contre l'impitoyable flot, elles furent, elles et eux, lancées à terre, assommées par le coup. 2 accouchèrent sur le rivage, avec des cris perçants, comme auraient fait des femmes, et aussi de navrantes lamentations de désespoir, comme si elles pleuraient leurs enfants. Fin de la section 20.